Bonsoir à tous, ici Jean-François. Vous écoutez sur les ondes de CISM 89.3 l'émission Le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant de la scène locale et d'un peu partout dans le monde. Ce soir, au programme, on va avoir par exemple une nouveauté de Vanessa Pariétaire, également du Short Pants Romance, du Sonic Youth et plein d'autres choses pas mal intéressantes. L'émission de ce soir est en direct, alors vous pouvez m'appeler pendant les segments musicaux au 514-343-CISM 343-2476. L'émission s'est ouverte avec la formation de Tennis System qui sont de Los Angeles avec Hey We Tried, une chanson qui allie de belle façon le shoegaze et la pop. Il s'agit du premier extrait de l'album Teenagers qui est prévu à l'automne prochain. Le groupe a décidé de sortir leur deuxième album uniquement en vinyle et en cassette, alors le CD s'est vraiment dépassé pour eux. On va maintenant poursuivre, plutôt débuter le prochain segment avec les Texans du groupe, les Texans de True Widow qui ont fait paraître leur deuxième album en mars dernier qui s'appelle, attention, As High As the Highest Heavens and From the Center to the Circumference of the Hurt. True Widow propose des ambiances post-rock assez lourdes alternant avec une voix féminine et masculine. Voici la chanson Night Witches sur les ondes de CISM 89.3. Right. Jimmy Hunt avec Miles Davis, une chanson qui tranche un peu avec celle de son dernier album, qui sont un peu plus propres au niveau du son. Et cette chanson-là se retrouve sur le deuxième, ou plutôt le deuxième volume de la compilation de l'étiquette Méga Fiable qui est sortie l'année passée. Juste avant, c'était les Montréalais Solids avec Fireworks qui se retrouve sur le EP Generic Dogs. Ils seront d'ailleurs en spectacle à la Casa del Popolo demain, le 29 juillet, avec Technical Soundmen and E. The Sober Down. On retourne tout de suite en musique avec Vanesse Pariétaire, dont je vous avais déjà fait jouer une chanson au début de l'été. Le groupe avait déjà annoncé un changement de son avec, entre autres, une plus grande présence des claviers. Les membres du groupe ont d'ailleurs lancé la semaine dernière un premier extrait du prochain album qui devrait sortir au début de l'année prochaine et qui s'appellera Le bruit nous emportera. La chanson qu'on va entendre s'intitule quant à elle « Et brille les lanternes » et c'est pas mal bon. Voici un groupe vraiment surveillé, Vanesse Pariétaire, à l'émission Le Terminus sur la marge, CISM 89.3. Oh, En el día de hoy me siento solo. Tengo tiempo libre y mucho amor. Tengo la certeza de encontrarte. Nena, ¿cómo tardará nuestro amor? Sur les ondes de CISM 89.3, c'était Les Vautours avec Éducation. Avant ça, vous entendiez la 26e position du palmarès album de CISM cette semaine, Hooded Fang, qui vient tout juste de sortir un album mardi dernier. J'ai choisi la chanson titre de l'album qui est assez estival et qui s'appelle Tosta Mista. Hooded Fang, si ça vous intéresse, sont de Toronto. Et si vous aimez, il n'est pas trop tard pour... il est trop tard pour les voir à Montréal puisque c'était au Divan Orange mardi dernier. Mais vous pourrez vous rattraper du côté de Québec demain soir, le 29 juillet, au Cercle. Et aussi, on a entendu dans le dernier segment, avant Hooded Fang, la formation mexicaine Los Románticos de Zacatecas avec Nuestra Amor. On va maintenant entendre un nouveau groupe de Auckland en Nouvelle-Zélande. Ils ont sorti leur premier album qui s'appelle Means en mars dernier, sur lequel se retrouve Stone Again, que voici sur CISM 89.3. Vous écoutez l'émission Le Terminus dédiée au rock indépendant de la scène locale et d'ailleurs dans le monde. Parlant de scène locale, on vient tout juste d'entendre Shorepants Romance, un trio fondé à Québec qui est maintenant déménagé dans la ville des festivals Montréal avec la chanson Low End qui figure sur leur premier album Shotgun Divorce. Et juste avant Shorepants Romance, c'était la Different Formation The Hot Springs avec Fantôme Dinosaure, une chanson, oui, en français. On continue maintenant avec Keith Kuna, le chanteur d'une autre formation décédée, les Ghouls cette fois-ci. Monsieur Kuna a sorti un premier album en 2008 qui est un peu moins pesant de ce qu'on connaît des Ghouls, mais avec des textes toujours aussi habiles. Voici Tarantule de Keith Kuna sur CISM 89.3. Sur mon sein, quelques cartouches dans les mains, je t'attendais à la lanterne. Je marchais dans les murs et dans les caniveaux, j'ai vu tes baisers rouler comme des nues. Et puis ton visage s'est lu, oh oh. Et ta lumière trichotante dans mes haines et dans le palilo, je t'attendais, toi tu te tarantules. Tarantule lumière, putain, tu t'enfermes dans tes grands châteaux de fer. Et moi je me vois poussière, poussière. Et je croise sous tous les porches du monde. Petite classe immonde qui m'enlace et qui me traîne. Dans ces vergers et ces plaines gorgées de fruits et de sève, où je parfum sur tes lèvres, tes lèvres. Mes calvaires remuaient de partout, je les cassais sur mes genoux. Je repartais de la lanterne. Trois fois saigné, trois fois débile. Mes rouleaux roulant dans la bile, non même mes gonds qui brûlent. Fume, fume et dansant dans la boue, oh oh. Et ton soleil tisse sa toile dans le ciel. Et surtout, surtout, trop bientôt enflammerait ce palais. Tu te gâches, tu têtes, tu mailles, tu prêtes ton regard à tous les êtres qui se tournent vers tes belles, tes belles. Et je croise sous tous les porches du monde ta petite trace immonde qui m'enlace et qui me traîne. Au ciel, Jésus, c'est pleine gorgée de fruits et de sève. Rouge parfum sur tes lèvres. C'est pas, je me revois à la lanterne. Je vais au balcon, cigarette, les rues s'éveillent, mais sont muettes. Je largue à la mer un cancer, putain, c'est beau, putain, c'est beau, oh, oh. Même la lumière est triste, timbre jaune et bleu. Car dans le palilo, je t'attendais, toi tu te tarantules. Tarantule super, ma main se referme sur le gris roseau de fer. Et moi je me veux poussière, poussière. Car je croise sous tous les porches du monde. Je m'approche sur tes lèvres, tes lèvres. de Weller, des Islandais d'à peu près 20 ans, Sudden Weather Change. L'émission se termine bientôt, mais reste à l'écoute puisque Étienne Champagne suit après les pubs avec son émission Rhythmologie jusqu'à 22h. Pour la liste des chansons diffusées ce soir et pour télécharger la balado-diffusion, rendez-vous sur le CISM893.ca. On va se quitter avec la musique d'un groupe dont un des membres, Thurston Moore, a sorti un album solo ce printemps. Le dernier Sonic Youth remonte quant à lui à 2009 avec The Eternal, qui est à mon humble avis et l'avis également de plusieurs personnes, un des bons albums de la formation de New York. Vous entendrez la chanson Antenna de Sonic Youth. Ici Jean-François, passez une très bonne semaine. À bientôt.